On présente la mixtape de 2010. C'est pas mystique, c'est juste sympathique. Écoute la musique, écoute le flow. Il va t'emmener trop loin comme des moines tibétains. Écoute ça, listen this. 2010, on est plutôt dans l'équipe, toujours les gros bras, t'inquiète, on est là. On lâchera pas le combat, on lâchera pas le Mikey. Toujours là pour représenter Paris. Écoute ça, on est loin d'être des bandits, loin des kamikazes, mec. T'inquiète pas, on est toujours là pour l'occasion, hey. C'est les deux bandits, Jimmy Fixie. On revient avec des textes posés. On revient parce qu'on est vexé. On revient représenter le rap français, le hip-hop, R&B, reggaeton, ça étonne même les nonnes. De Place Vendôme à Vélodrome, je te l'ai dit, c'est welcome. Yeah. Ici c'est Paris, la ville la plus visitée du pays. Tous les carrés des boules des États-Unis. Pour voir Paris, la capitale, les plus belles femmes, les plus gros aspects, les plus beaux quartiers, les plus beaux métros. Les souvenirs à go-go, les go-go dancers, les stripteaseuses. Protège tes valses, ici c'est Paris. À Paris ça danse sur de la trance, ça clope sur de la pop. Ça joue les travelots sur de la techno, ça s'éclate les dobés sur du reggae. Ça se met des claques sur du bon rap, donc vas-y clap. Clap to the hand, pour la race humaine. C'est Jimmy Fixie, Jimmy Blaze. It's getting late but I don't mind. It's getting late but I don't mind. It's getting late but I don't mind. It's getting late but I don't mind. Je reviens m'exciter les cordes vocales. J'accesse mes vocalises pour analyser les gars qui sont là pour baliser et ceux qui sont là pour vexer ou pour partir dans l'excès. J'suis pas là pour faire du bise ni pour faire du clash. J'arrive cash parce que sache que à l'école ça joue au catch. Nous à l'époque on visait plus haut, tabac ta crash. On arrivait cash sur le tempo. À l'époque ça partait en freestyle dans les studios de Jimmy Prod, mon gars. Ça donnait du lourd, ça donnait du live, ça donnait du street, ça donnait du underground. Yeah.